Messieurs et dames, moi, je la cise. Aïe, diable, voyou. Moi, je la cise pour écouter musique à nous. Aïe, diable, voyou. C'est qu'on s'en levé mauvais. Diable la maman. Aïe, diable la maman. Nous toutes levé mauvais. Life. t'as parlé de la réalité. Au moins, petit sort la vérité. Ah, ah, j'ai dit ton âge. Papi,